Chère Simone, de Laure Elisabeth Bourdeau et Pauline Mocor. Je fais un enfant ou pas? Je fais un enfant ou pas? Mail de Fanny, 35 ans et demi, à Simone de Beauvoir. Chère Simone, comment vas-tu? Moi, pas terrible. Hier, j'ai vu ma copine Lisa. Depuis, je suis toute chamboulée. Pourtant, quand je suis arrivée dans sa boutique, j'étais au top. Je venais d'obtenir une promo au boulot. On a fêté ça autour d'un café. Mais après, Lisa m'a parlé de sa gynéco qui lui a tenu un discours ultra flippant. En gros, elle lui a dit que les chances d'être enceinte après 37 ans sont très faibles parce que le taux de fertilité chute 10 ans avant la ménopause. Je suis rentrée la tête toute bourdonnante. Ça veut dire que dans même pas un an et demi, je suis périmée. C'est comme si je devais me décider là tout de suite sur le fait d'avoir un enfant un jour ou pas. L'angoisse. En plus, avec Alex, la seule fois où on a parlé bébé, on s'est vaguement dit pourquoi pas, mais pas tout de suite. Et puis on vit dans un petit appart, on n'a pas trop les moyens d'en changer. Alors ce bébé, je le caserai où? Et aussi, je veux pas renoncer à nos sorties. Ni à mes entraînements de badminton. T'en penses quoi, Simone? Bise. Fanny. Réponse 2. Simone de Beauvoir. À Fanny. Chère Fanny, tranquillise-toi, mon petit. On peut fort bien être heureux sans marmots. C'est mon cas. Bien entendu, comme la maternité est souvent considérée comme une étape incontournable dans la vie des femmes, mon choix est assez mal compris. Ah ça, j'en reçois des critiques. Comme cette femme lors d'une conférence. « Madame, peut-être écrivez-vous des livres parce que vous n'avez pas eu d'enfant ?» Je lui réponds « Peut-être faites-vous des enfants parce que vous n'êtes pas capable d'écrire des livres. » Et j'aurais dû rajouter « Vieille bique. » Curieusement, personne ne fait ce reproche à Jean-Paul. Bref, la maternité est un drôle de piège pour une femme. Attention, je n'en fais pas un jugement de valeur. Ce qui est à condamner, ce ne sont pas les mères, mais l'idéologie qui incite toutes les femmes à enfanter. Mais plusieurs avis valent mieux qu'un. Je transfère donc ton mail aux copines, à commencer par Frida. Prends soin de toi, Simone. Message à Fanny de Frida Kahlo. Ma très chère camarade, je suis si contente que Simone m'envoie ton message, surtout qu'il m'intéresse des masses. Tu sais, j'étais enceinte à plusieurs reprises, mais ça s'est toujours mal passé. Il faut dire que depuis mon accident de bus à 18 ans, mon corps n'est pas très fiable. Lors de ma première grossesse, mon médecin m'a même conseillé d'avorter. La deuxième fois, le docteur était plus confiant. Alors j'ai gardé ce bébé. Pourtant, j'avais peur pour ma santé et cela tombait très mal vu que Diego était accaparé par sa fresque pour l'Institut des Arts de Détroit. Un mois après, j'ai fait une fausse couche. C'est là, terrassée par la peine, que j'ai réalisé combien j'avais envie d'offrir un fils à Diego. Depuis, j'avance dans ma vie et je mets dans ma peinture tous mes questionnements. Ya veremos. Quant à toi, Fanny, au nom de ce que tu as de plus cher au monde, sonde tes désirs les plus profonds, ma belle. Et après, tu sauras. Je laisse la parole à Anaïs, mais d'abord, reçois des tas de baisers de ton amie mexicaine, Frida. Courriel de Anaïs Nin à Fanny. Chère Fanny, je vais t'exposer en toute honnêteté mes pensées, mais je préfère te prévenir, elles peuvent choquer. Pour moi, c'est tout vu. Avoir un bébé, c'est une abdication devant la vie. Bon, je sais qu'un enfant, c'est l'avenir. Mais je préfère vivre au présent, avec mes amants. Henry, Rank, Arto et les autres. Ce sont eux, mes enfants. En plus, j'ai trop de travail à faire et trop de monde à aider. Je voulais te raconter qu'à 31 ans, enceinte de Henry, j'ai avorté à 6 mois de grossesse. J'ai refusé l'anesthésie. Je voulais pouvoir tout observer et analyser. Et j'ai accouché d'une petite fille mort-née. C'est Hugo, comme toujours, qui a tout payé. Lui qui voulait tant la garder. Hugo. mon tendre protecteur, mon mari, mon père. C'est pour ça qu'elle devait mourir. Je ne supportais pas l'idée qu'il s'occupe d'une autre. Voilà, Fanny. Je ne sais pas si mon avis t'aidera. Il est tranché, je le sais. Mais vois-tu, j'écris toujours exactement ce que je ressens. Je crois que Georges a des choses à te dire aussi. Je t'embrasse, Anaïs. Réponse de Georges Sand à Fanny. Fanny. À la différence des copines, moi, à 18 ans, j'avais à peine épousé Casimir que je rêvais déjà de bébé. J'ai remplacé ma vie intellectuelle par le travail de layette et à 19 ans, j'étais maman. Le plus beau jour de ma vie fut celui où j'ai vu mon petit Maurice endormi sur mon oreiller. Mais quand ma Solange est née, je n'ai pas éprouvé la même joie. Et par la suite, qu'est-ce qu'elle a été difficile et indocile, cette petite. C'est étrange, car je désirais ardemment une fille, mais... Je dois te faire une confidence. Solange n'en a jamais rien su, mais elle n'est pas la fille de Casimir. C'est celle d'un de mes amants. Bon, ma mignonne, revenons à ta question. Dois-je avoir un enfant? Si je pense à mon Maurice, je dis oui. Mais si je pense à ma Solange, ma réponse est plus nuancée. À toi de voir si tu es prête à élever un enfant qui peut être agité, puis un ado difficile, et si tu acceptes d'interagir par la suite avec un adulte avec qui tu n'es pas toujours d'accord. Tu sais, devenir mère, ça ne se résume pas à pouponner. J'ai hâte de savoir ce que nos lettres t'ont inspiré. En attendant, je t'embrasse mille fois. Georges. C'était « Chère Simone » de Laure-Elisabeth Bourdeau et Pauline Maucor. Avec Dominique Raymond, Mélissa Barbeau, Paola Cordova, Sophie Doll, Anne-Lise Heimburger et la voix de Duncan Evenou. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Jean-Michel Bernot et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois.